Bonsoir, on est en direct de MTC Montréal et le cours du mardi soir va être donné par Rav Maimon Pinto. Et on est aujourd'hui le 26 novembre 2013 et le 23 Kislev 5774 et la paracha de la semaine est Miketz. Et pour les Lunishma de Rosalie Batourida et la Rifoua Shelema Bezat Hashem de Nissim Ben Aviva. Et bonne soirée et bon cours. Bon, on a déjà, c'est commence à devenir tard. On va parler d'un sujet dans la paracha. Je vois, il y a beaucoup de gens qui sont en voyage aussi. Il y a Charlie qui est en Floride. Charlie en Floride, oui. Mais Rakak en Israël. Prosper, il m'a appelé, il a préparé toute la table, il a dit qu'il devait sortir de la ville. Ah ouais. Il m'a appelé. Il a préparé tout, il m'a dit je vais essayer d'arriver, mais je pense que je vais être en dehors de la ville, etc. Bon, alors ici, dans la paracha, ici, on commence avec les rêves de Paro. Paro, il fait des rêves, et il n'y a personne qui peut lui trouver le pitaron, personne ne peut trouver une solution à ses rêves, il appelle tous ses ministres, tous ses intimes, il n'y a personne qui peut trouver un rêve, et Yosef, il sort de la prison, il trouve la solution des rêves de Paro. Paro, il dit, il électe Yosef, son bras droit, etc. Et Yosef commence au travail à rassembler toute la nourriture pour les sept années qui vont arriver, qui aura sept années de famine. Bon, Yosef, un de ses jours, les frères de Yosef viennent en Égypte parce qu'il y a de la famine partout. Les sept années de famine commencent et ses frères arrivent en Égypte, ses frères ils arrivent, ils les voient, et ils leur disent « Vous êtes des espions, etc. » Et ils l'emprisonnent. Shimon. Pourquoi ils ont pris un Shimon? Ces commentaires, ils avaient peur de Shimon et Lévi qui vont être ensemble et ils vont détruire. Il y a beaucoup de Midrashim qui disent qu'ils étaient prêts à détruire toute la ville, etc. C'était des grands Giborim. Bon, ils l'emprisonnent et Yehuda, et il leur dit, vous avez dit que vous avez un frère qui est plus jeune, allez-y le chercher. C'est qui? C'est Benjamin. Évidemment, Shimon y reste, Yehuda il prend l'obligation de ramener Benjamin, il descend, il raconte toute l'histoire à Yaakov. Yaakov, Avinu, il ne veut pas les laisser, etc. À la fin, ils n'avaient pas de choix, ils n'avaient plus de nourriture, ils devaient retourner, ils sont retournés avec Benjamin. Quand ils retournent avec Benjamin, Yosef voit Benjamin et qu'est-ce qu'il dit? C'est très intéressant dans la paracha. On trouve ici, le Midrash dit que de ce verset, on voit qu'il y a une mitzvah de Shabbat. Que Yosef, il était chomer Shabbat. Comment exactement? Vous avez vu la question? J'ai vu la question. Ouais. Vous m'avez envoyé la question aussi. Ok, alors, comment est-ce que... Alors, dans le verset ici, on trouve que c'est écrit comme ça. On n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais pensé à ça. Le Mechilta, il rapporte comme ça. Je vais vous le lire en français tout de suite. Yosef vit Benjamin avec eux et dit à l'intendant de sa maison, conduis les hommes à la maison. Quand il a vu Benjamin avec tous ses frères, il leur dit, ok, amenez-les à la maison, fais abattre de la viande et apprête-la. En hébreu, c'est écrit « Utavor tevach ve'achen ». Tavor tevach, tevach c'est la shrita. Égorge la bête et achen. Et prépare. C'est ça, et prépare. Pourquoi? Car c'est avec moi que ces hommes déjeuneront. Vachen ki iti yochlu anashim batsaharaim. Et prépare tout la nourriture parce qu'ils vont déjeuner avec moi, etc. Alors le Mechilta, il apprend que de ce verset, que achen, el vachen, el erev Shabbat. Vendredi alors. Ouais. Parce qu'on trouve, concernant le man, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un verset qui dit Ve'echinu et asher ya'asfu. Ça veut dire qu'ils ont préparé tout ce qu'ils ont ramassé pour Shabbat. Alors, l'Agmara, le Mechilta, il apprend que Yosef, il était chomer Shabbat parce qu'il a préparé tout en avance. Il a préparé tout Erev Shabbat. C'était Erev Shabbat le jour qu'il les avait vus. Et Yosef, d'ici, on voit que Yosef lui-même était Shomer Shabbat. C'est une question. Oui. Qui a fait la Shrita? Attends, vous êtes ça? Non, c'était une autre question. Ah ben, vas-y. Oui, oui. Moi, ça ne veut pas toujours dire, c'est tout à fait normal en tant qu'adjoint du Meller. Oui. C'est pas lui qui va faire la Shrita, c'est pas lui qui va cuisiner. Surtout à l'époque, ils avaient des Amadim. Il donne à sa révède. Fait la shrita. Oui, mais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, il y a combien, il y avait des juifs là-bas? Non. Non. Alors, qui a fait la shrita? La shrita. Qui a fait la shrita? Tu sais ce qui a fait la shrita? Non. Menaché, son fils? Menaché. C'était qui était responsable de tout? C'était Menaché. Ok, mais d'ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est Shabbat toujours. Hein? Non, on sait. Non, moi, je réponds à sa réponse maintenant. Mais c'est tout à fait normal pour un prince. Que c'est pas lui qui prépare. Ouais, ça veut dire que toi, de ce passage, tu déduis pas que c'est Shabbat. Et attendez, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous dire, et ce va, avant que je réponde. Premièrement, la Torah, elle aurait pu employer un différent mot. Alors, le mérite, elle apprend, puisque la Torah, elle aurait pu employer un différent mot pour dire préparer, il y a plusieurs mots. Ta'asu, tichretu, sans dire vachinu. Vichretu tabema, venochal et yachad. Mais t'as chinou, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi t'as chinou? L'achin, c'est normal. Et ou Meler, ou Skal Meler. Pas de problème. Mais le verset, il rajoute un beaucoup mot. Beaucoup de fois, on voit que le verset, il raccourcit quand il parle. Il aurait pu dire Vetavor, Tavar, qui est tout, qui était Yorlo Anachim. Mais ça, c'était Orchim, Yosef et le petit-fils d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il a reçu les Melachim, oui. Il leur a dit. Je vais préparer, pourtant on a dit que c'était ça et le reste. Mais on ne trouve pas ce mot verino. Simplement, on aurait pu dire Vetavor Tevar qui est Yochlo Anachim. En français, on dit c'est poussé par les cheveux. C'est non, mais parce que. Qui n'est pas très... mais parce qu'on trouve une autre place dans la Torah où s'écrit verino. Pour Shabbat. Ah oui. C'est une Xera Shabbat. C'est une des 13 midot que la Torah Nidrashet Bahem, c'est Xera Shabbat. Quand on trouve un mot. Qui était placé dans un différent contexte, on applique que, puisque la Torah employait le même mot, et qu'on n'a pas besoin de ce mot ici, ça veut dire que la Torah est venue m'enseigner quelque chose à part le pshat du verset. Sinon, encore, Vetavor Tavar Veochlo Iti. Même en français, on aurait pu dire fais abattre de la viande. Car c'est avec moi que ces hommes déjeuneront. Pourquoi je dois dire et prépare? On peut aussi faire une déduction. Oui. Pour les Égyptiens, les Hébreux étaient lower class, et peut-être ne pas toucher la nourriture que le Meler va toucher. Et il y a dans l'histoire égyptienne que. Non, mais regardez. L'intendant ici de sa maison, c'était qui? C'était Menaché. Parce qu'il fait abattre. La bête. Yosef, d'ailleurs, dans Maaseret Chulin, d'ici la Gemara, elle apprend que les Shvatim, les tribus, ils ont pratiqué tous les mitzvot. Pourquoi? Parce que Yosef, quand il a appelé à quelqu'un, à l'intendant de sa maison, de faire la shrita, il va pas appeler un non-juif, il va pas appeler un égyptien. Pourquoi? Parce que ses frères allaient voir s'il a fait la shrita comme il faut. Quel âge il avait Menaché? Quel âge avait Menaché? Parce que Yosef il devrait avoir... Une vingtaine d'années qu'il était là-bas. Ben, regardez, à 30 ans, Yosef... À 30 ans, Yosef, il est devenu Mishne Lamelech. 7 ans de bonnes années. 7 ans de bonnes... Oui, il s'est marié à l'âge de 30 ans. 30 ans. Donc... Si on voit selon les années qu'après qu'il est devenu le Mishne Lameler, le bras droit du roi, donc c'est par haut dans la paracha, par haut, on dit qu'il lui a donné Osnat. Donc, il lui a donné Osnat au début des 7 meilleures années. Ça veut dire que 10 ans, elle a accouché tout de suite, il a 6 ans, à la fin des années grasses, des bonnes années. Les mauvaises années ont commencé, disons 2 ans. Ça veut dire quoi? Il avait 7 ans. 7-8 ans. 7-8 ans. 7-8 ans, il faisait la shrita. Ben oui. Dans le Marachulin, ils disent que. Moi, oubliez juste de Marachulin. Moi, bon, la personne où j'ai appris la shrita, il m'a dit à l'âge de 6 ans, 7 ans, il faisait la shrita déjà. À 6 ans, 7 ans, il faisait la shrita. C'est un thémanime. Et Témanim, ils m'ont dit, ils ont grandi avec les, avec les bêtes. Est-ce que ils considéraient cette shrita kasher ou pas kasher, c'est une autre chose. Ils le donnaient peut-être aux Arabes qui habitaient dans le village, ils pratiquaient peut-être. Mais ils savaient à l'âge de 7 ans, 8 ans tout faire. N'oubliez pas, bon, l'âge de 6, 7 ans aujourd'hui, c'est pas, ils n'avaient pas de. Comment ça s'appelle le Game Boy là. Il n'y avait pas. Et à quoi ils jouaient? Dans la Gemara de Shabbat, c'est écrit que les enfants, avec quoi ils jouaient? Ils jouaient avec une petite tête d'un poulet, et ils l'enfonçaient dedans, avec de la paille, et ils jouaient ça comme ballon. Ils étaient toujours autour des bêtes, autour de. On voit dans les Chachamim, comment est-ce que les Chachamim parlaient des vaches, des taureaux? Ils étaient dans les fermes. Ils habitaient, ils voyaient un chornoguer. Ils savaient de quoi ça allait. Oui, je sais, parce que même au Maroc, à Pessah, on a acheté un mouton ou une vache. Mm-hmm. Et on l'a gardé quelques jours avec nous dans la cour de la maison. Mm-hmm. Et après, le chorhed venait à la maison. Ben oui. C'est ça, exactement. Exactement. Aussi, on n'achetait pas la viande qui était prête non plus. Il fallait la saler. Ouais, ouais, la saler. Il n'y avait pas de package très beau. Les vivants. Et on les amenait chez les chokhets. Non, Amselem, il n'y avait pas de Amselem. On achetait des poulets vivants et on les amenait chez les chokhets. Et après, on les plumait nous-mêmes. Exactement. Exactement. Bon, le Mechilta, il rajoute, le Midrash, il rajoute que d'où est-ce qu'il apprend Ve'echinu, ça veut dire Shabbat. Parce que d'habitude, le mot employé, Ve'echinu, c'est préparer. Oui, le mot, quand on le traduit, préparer. Préparer, d'habitude, c'est quand on se prépare quelque chose d'important. Alors, puisque cette journée, c'était une journée, Shabbat, c'est une journée importante, alors on traduit que la préparation qui était en train de se faire, c'était RF Shabbat, vendredi pour Shabbat. Alors d'ici, on déduit que Yosef, il était chômeur de Shabbat. Bon, ça c'est que ce que le Mechilta a dit. Maintenant, on a une très grande question. La question évidente, c'est que c'est quoi le chidouche ici? Et on sait déjà, spécialement qu'on vient de, on vient de dire ici, le verset il parle que l'intendant de la maison de Yosef, il fait la shrita. C'est qui? C'est Menaché. Et là-bas, la Gemara de Maser et Trolin est déduit que les Jvatim, tous les enfants de Yaakov, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils gardaient la Torah, ils pratiquaient la Torah et toutes les lois de la Torah avant bien que la Matan Torah était. Avant que Matan Torah, c'est bien avant Matan Torah, oui? Oui, on a vu que Yosef étudie avec son père. On a dit que Yosef, il étudie avec son père. Egla Arufa, très bien. On voit que les patriarches, et c'est sûr que leurs enfants, les Shvatim, ils pratiquaient aussi les lois de la Torah. Alors c'est quoi le chidouche ici que Yosef, il pratiquait Shabbat? Mais c'est sûr, tout le monde pratiquait Shabbat. Ses frères, certainement aussi, pratiquaient Shabbat. Ça, c'est la première question. Comment ils mettaient les tefillin? Alors, c'est intéressant. Les tefillin, c'est raconté dans la Gemara que les tefillin, Yaakov, ils mettaient avec des bouts de bois. Pourquoi pas avec des cuirs? N'importe quoi, ça fait aucune différence. Parce que autant des patriarches, avant Matan Torah, on n'avait pas la chose physique elle-même, elle n'avait aucune kdusha. Aujourd'hui, non, c'est pas ça, c'est premièrement. Il n'y avait pas une obligation, il n'y avait pas de précepte encore, il n'y avait pas de mitzvot. Mitzvah, ça vient du mot tzivoui, un commandement. Exactement. Oui? Mais non, avant Matan Torah, il n'y a pas de commandement. Ça n'existe même pas. Tout le concept de commandement commence à Matan Torah. Avant ça, ça n'existe pas. Une autre chose, c'est que les mitzvot que les avot faisaient, que le patriarche faisait, étaient très différents de la façon comme nous on le fait. Aujourd'hui, les tefillin, chas v'shalom, on ne peut pas les mettre à la poubelle après. Chas v'shalom, on ne peut pas les mettre à la poubelle après qu'on les utilise. Non. Au temps du. La Gemara raconte que Yaakov Avinu, il prenait une bout de ficelle. Et les mêmes choses qu'on fait, qu'on atteint en mettant les tefillin. Les tefillin représentent, selon la Kabbalah, quelque chose. Bon, nous, on est des gens très physiques, mais on peut pas comprendre. On sait l'histoire avec le Orach Haïm. Les grands tzadikim, en mettant les tefillin, ils s'élevaient à des niveaux très très hauts parce que ça représente le Chochma des Bina et tout ça, des concepts de Kabbalah. Oui. Mais le même résultat, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Yaakov, arrivaient à l'atteindre sans les tefillim eux-mêmes. C'est-à-dire, leur mitzvot, c'était de façon spirituelle, pas de façon physique. Avant Matan Torah, les choses physiques n'avaient pas de kdusha, n'avaient pas de sainteté. Il y avait une différence entre le monde physique et le monde spirituel. Agashmiyut et Khomriyut, c'était deux choses différentes. Après Matan Torah, c'est quoi un des chidushim de Matan Torah? C'est que même les choses physiques reçoivent une certaine kdusha. Après Matan Torah, cette séparation entre le monde physique et le monde spirituel n'existe plus. C'est, on le voit dans les versets, dans les livres de Kabbalah et de Chassidut, c'est rapporté que Vayered Hashem el Ahar, Vayal Moshe el Ahar. Alors le Midrash il dit Vayered Moshe et Vayered Hashem el Ahar, Hashem est descendu sur la montagne. Et Moshe il monte à la montagne. Ça veut dire, le Midrash il dit Idbatla Gzerata Elyonim ve Gzerata Tartonim, que les mondes, le monde, les choses spirituelles ne descendent plus, ça a cessé. On voit que Hachem, les concepts spirituels descendent à la montagne. Et le physique monte à la montagne, et il y a cette connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Ça, c'est après Matan Torah. Très bien, ça a répondu un petit peu à ta question. Ça, c'est comment est-ce que les Avraham, plus ou moins, c'est vraiment hors de sujet, mais un petit peu, mais on voit que en tous les cas, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils pratiquaient tous les lois de la Torah. Ah, c'est quoi le chidouche de Yosef? Bon, avant qu'on arrive vraiment à cette réponse, il faut comprendre un petit peu, il y a un din de Tosef et Shabbat, pendant Shabbat. Tosef et Shabbat, vous savez c'est quoi la mitzvah? Quelqu'un a déjà entendu de cette mitzvah de Tosef et Shabbat? De repousser le Shabbat, ça veut dire de laisser Shabbat plus longtemps. De laisser Shabbat plus longtemps ou de le commencer plus tôt. Le commencer à 10h du matin, 11h, midi. Non, c'est impossible. C'est impossible. On peut le faire avant mitzvah. Tosef et Shabbat. La demande de quelqu'un, il commence à midi. Tosef et Shabbat. Je vais le faire avant midi. Tosef et Shabbat. Avant midi. Mais l'armement avec elle, c'est juste là. Ah, il y avait. Oui, vous savez. Ils ont ramené dans j'ai l'histoire. Obligé de faire Mincha. Je ne peux pas faire entrer Mincha dans Shabbat. Il y a l'histoire avec quand il est parti dans la charrette et qu'il a dit au Eglon, il a dit je dois m'arrêter moi à telle heure. À Khatsa. Il peut commencer. S'il veut se préparer. Oui. Il y a un certain concept de Tosef et Shabbat de Chatzot, s'il veut se préparer pour Shabbat. Ça veut dire les préparations, et selon. Ça veut dire les préparations de Shabbat peuvent commencer peut-être de Chatzot, mais Chatzot, ça veut dire aujourd'hui, Chatzot, c'est 11h47. C'est midi. Mais préparatif. Préparatif. Mais est-ce qu'il peut prier Arvit? Certainement pas. Sûrement pas. Et s'il mange la Seouda de Shabbat, il n'est pas yotze. Et il doit faire Mincha avant. Il doit faire Mincha. Il peut pas. Il doit faire Mincha. Ça s'applique dans pas. L'histoire. Tu peux commencer, disons. Dans l'histoire. Dans l'histoire, il ne ramène pas qu'il fait les préparatifs. Moi, je ne sais pas. C'est ce qui a été ramené dans l'histoire. Ça n'existe pas. En tout cas, l'alakha, c'est l'alakha. Il y avait un rêve de Amchinov. Il fait Abdallah Lévi. Même, non. Amchinov. Ouais. Alors, Tosef et Shabbat, c'est quelque chose qu'on. On trouve déjà, c'est écrit. Donc, peut-être c'était jeudi. Hein? S'il a fait la Shrita, peut-être c'était jeudi. Pourquoi? Yosef. Pourquoi c'était jeudi? Parce que. Attends une seconde, mais Tosef et Shabbat, c'est quand? Tosef et Shabbat, c'est après Mincha. Après Mincha, c'est ça. Plaga Mincha. Plaga Mincha, ça veut dire environ 1h15 avant le coucher du soleil. Ça, c'est Plaga Mincha. Aujourd'hui, en hiver, c'est très très tôt. Mais en été, ils le font parfois 2-3 heures avant. Avant quoi? Avant Shabbat? C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Très bien. Mais attendez, quand on fait une shrita, la bête, oui. On ne peut pas manger la viande tout de suite. Oui, non. La bête. Pour la cachaliser, non? Pour la cachaliser? Non. Quand on fait une shrita d'une bête, oui. Et on va enlever la peau et tout le reste, la viande est encore trop dure. Oui. Il faut attendre au moins 24 heures avant de se faire un steak. On peut pas. C'est vrai, ça. Je sais pas si vous savez ça. Non, ça dépend. Oui, je travaille à l'abattoir. Ça dépend. C'est pas toujours comme ça. Je vais vous y expliquer. Ça dépend de la partie de la. Non, je vais vous expliquer. D'habitude, vous avez raison. Vous avez raison. Après, quand on le mange immédiatement, il est bon. Sur le feu. Sur le feu. Sur le feu. Pas pour cuire. S'il devient. La viande est trop. On part de 1. Cuisé qu'au feu. C'est-à-dire, ils ont dû faire un méchoui. Ils faisaient toujours un méchoui. Non, mais en plus, tu ne peux pas manger n'importe quelle partie de la bête, même sur le feu. On ne peut pas lui enlever un filet mignon à l'arrière et c'est pas que ça, le filet mignon. On fait le nico. C'est quand même un filet mignon. En France, ils n'arrivent pas ici à enlever le nerf. Ils ne savent pas comment le faire. C'est tout. Mais au Maroc, demande à ta image. Ils mangent surtout de la bête. C'est vrai. C'est... Mais à Paris aussi. Jusqu'à présent. Tu tournes le dos. Tu viens de Paris. Non, mais tu viens de Paris. Tu viens d'où? Vous êtes pour les Rognons? Non. Les parties. Les tiptinés. Jusqu'à présent, il y a certaines communautés en Israël qui mangent l'arrière. Les Témanim, ils mangent l'arrière. Ils font le nikour. Les Marocains au Maroc. Ils mangeaient tout de là. Bien sûr. Bien sûr. La joue, les rognons, les intestins. C'est cachère ou non? Oui. C'est sûr que c'est cachère. Les ashkenazim ne mangent pas. Il faut savoir comment faire le nikour, c'est tout. Et on peut le trouver ici? Ici. Non, hein. Le genou, hein. À moins que vous trouviez un chochet ou même qui va vous le faire. Mais genou? C'est du travail, hein. Le nikour, c'est du travail. Ouais, au Maroc, c'est qu'il ne voulait pas perdre une partie de la bête. Donc, il n'y avait pas. Vous ne pouvez pas te permettre de perdre. Et c'est la meilleure partie. Moi, j'aime les steaks. Oui, mais. Ici, c'est que la viande hachée qu'ils connaissent. Ici, ils vendent la partie au halal, ils la vendent aux arabes. Les arabes, ils vendent des bons. Parce que c'est bon pour eux, parce que c'est la meilleure partie de la bête. Le filet mignon et tout ce qui. Est-ce que les Arabes, ils ont shrita? Ok, alors on continue. Tosef et Shabbat. Tosef et Shabbat, on trouve dans le Michilta aussi, c'est écrit le din de Tosef et Shabbat. Le din de Tosef et Shabbat se trouve dans le verset Zechor et Yom HaShabbat. Alors, le Michilta, il demande, que ça veut dire Zechor et Yom HaShabbat? Les quatre jours. Mais les quatre jours. Ça veut dire Zechor. Rappelle, souviens-toi ou rappelle-toi. Le mot Zechor s'applique sur quelque chose qu'on a oublié. Rappelle-toi ou souviens-toi. Mais le Shabbat, il est là maintenant. Shemor et Yom HaShabbat. Bien, préserve le Shabbat. Mais Zechor et Yom HaShabbat, on ne l'oublie pas. Alors le Mérita, il apprend Zechor et Yom HaShabbat, Be'erev Shabbat. Vendredi soir. Déjà vendredi soir. Rappelle-toi, souviens-toi de Shabbat, déjà, de vendredi soir. Ça, c'est la source. Quoi? C'est logique. C'est vendredi soir, c'est Shabbat qui rentre. Non, c'est pas logique. Non, vendredi, Erev Shabbat. Pas vendredi Shabbat. Soir. Erev Shabbat, c'est avant Shabbat. Ah, okay. C'est avant Shabbat. Avant Shabbat. Bon, on va voir, il y a au moins 4 différents temps. Ça veut dire 3 différents temps. Jeudi soir. On ne va pas, je le dis. Erev Shabbat, ça veut dire vendredi. Après Chatzot. Oui. Vendredi. Avant le coucher du soleil. Hein. C'est ça. Alors il y a 3 temps. Il y a en vérité 3 ou 4 temps. Il y a un temps, c'est mi plaga mincha. Zman amincha. Plaga mincha. Plaga mincha, c'est environ 1h15 avant la Shkia. À 1h15, excusez-moi, avant Tzedaka Chavim. Les 3 étoiles. Ça, c'est 1h15. Et il y a un temps qui est 40 minutes avant l'allumage des bougies, avant la Shkia, qu'à Yerushalayim d'ailleurs. À Yerushalayim, on allume un différent temps. Ça, c'est Yerushalayim, ils allument environ 40 minutes avant le coucher du soleil. 40 minutes. C'est Minhag ou Zekhiyou? Minhag Yerushalayim. Ou Zekhiyou. Mais Yerushalayim, Kachanog. C'est les sirènes. Ah bon? Moi, j'étais là-bas. C'est les sirènes. À Yerushalayim, Kachanog. 40 minutes avant. Mais nous, on fait 20 minutes. Oui. On fait 20 minutes. Aujourd'hui, on fait 20 minutes avant l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est 20 minutes avant le coucher du soleil. C'est pour ça, qu'on a les 18 minutes après. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça le Inyan. Est-ce que c'est 18 minutes on peut les utiliser. On peut les utiliser s'il y a une urgence. Je ne sais pas moi. Elle a allumé les Nerot Shabbat. Qui, la femme? La femme. La femme. Non, mais qui veut utiliser les 18 minutes? L'homme. Il peut utiliser. Et la femme, elle ne peut plus? Elle peut plus. Dès qu'elle l'a allumé, mais si elle ne l'a pas encore allumé? Non, pas si elle, qu'elle peut, est-ce qu'elle peut allumer dans les 18 minutes? Non. Oui. Béarnès, s'il a pas. C'est vraiment un Béarnès. Oui. Mais l'homme. Mais une seconde, avant qu'on perde le point. Une seconde, on va répondre à ces questions. Ça, c'est le lien de Tosafet Shabbat. Zechor et Yom HaShabbat, c'est pour se souvenir du Shabbat. Zechor. Maintenant, Zechor, parce que souviens-toi de lui, quand est-ce qu'on va se souvenir? Mitzvah l'osif, michol, mikodesh elchol. C'est une mitzvah d'ajouter une partie de vendredi et de mettre et d'amener de la kdusha dans le vendredi, dans la journée de vendredi, avant Shabbat. Nous, aujourd'hui, pratiquement, nous, on fait 20 minutes avant la shkia, 18 minutes avant la shkia. On fait la mitzvah. Maintenant, si on arrive à vraiment 2 minutes avant la shkia, c'est pas considéré Tosef et Shabbat. On n'a pas accompli cette mitzvah. On fait pas Chas v'Shalom in Avera. Mais c'est une mitzvah. On rate une mitzvah. Il y a des commentaires qui disent que c'est une mitzvah mina Torah. Et il y a des commentaires qui disent que c'est mina Rabbanan. Mais selon tout le monde, c'est une mitzvah de l'osif mikol shelchol. On va voir tout de suite. Maintenant, il y a une grande question. Comment est-ce que quelqu'un peut rajouter de la kdusha de Shabbat pendant le vendredi? C'est impossible. Shabbat, c'est quoi? On dit concernant les Yom Tov, Mekadesh Israël ve'azemanim. Dans la Gemara, c'est rapporté que les gens voulaient sanctifier le mois. Hachem leur a dit, il faut attendre le Beit Din. Il faut attendre le Beit Din ici dans le monde, qui sanctifie le mois, pour dire si c'est le mois que c'est le premier mois, est-ce que c'est le, etc. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, c'est eux qui sanctifient les Yamim Tovim. Hachem, il a donné la force au Beit Din. Le Beit Din, d'ailleurs, pourquoi on a... Je vais donner un exemple. Cette année, on a une Shana Meouberet. Oui. Oui, on a 2 mois de Hadar. Pourquoi on a 2 mois de Hadar? Pourquoi 2 mois de Hadar? Oui. Ben, à cause du cycle lunaire. Why? À cause du cycle lunaire, pour rattraper le cycle solaire. Pourquoi? Ben, pour être au même niveau. Mais pourquoi? Sinon, on va avoir trop de jours. Et alors? On va avoir 30 jours en plus. Et alors? Non, une seconde. Et alors? Ben, 30 jours en plus, ça va te décaler les Shabbats. Pendant 16 ans. Quel Shabbat? Les fêtes, je veux dire. Quelles fêtes? Pessah, Shabbat, Sukkot. Ben, juste Shavuot? Non, oui, Pessah, non, Pessah. Oui, tout, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, commandement pris comme les musulmans. Ils font Ramadan en décembre et en mois d'août. Attends, ça c'est. Ils sont tous différents. Ils ont chacun leur opinion. Hein. Il y en a qui commencent au mois d'août. Dans l'année solaire. Dans l'année solaire, il y a 365 jours. Oui. Dans l'année lunaire, à chaque. Il y a toujours un petit peu de temps qui se perd. À la fin de l'année, c'est 11 jours environ. Après 3 ans, ça devient presque un mois. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est écrit au Bechodesh Aviv concernant Pessah. À Pessah. Si, remarquez, si on n'est pas, on aurait, voilà, l'exemple de cette année. Si on n'aurait pas une Shalom et Uberet, Pessah serait tombé à quel mois? Un mois avant. Un mois avant, ça veut dire quoi? Mars. Mars, il peut y avoir de la neige. Ça brille. Ça se peut qu'il y ait de la neige. C'est possible. Oui, Mars, on sait. La Torah, elle a dit Bechodesh Aviv. Le printemps. Ça veut dire que Pessah tombe toujours dans le printemps. Pourquoi le printemps? Quand on arrivera à Pessah, ça, je vais vous expliquer. Mais il y a un inyan que ça doit tomber à vivre. C'est pour ça, hein, quand on arrive qu'il y a trop de jours, on le rajoute un mois. Maintenant, Hachem, il a donné la force, une force très très forte. D'ailleurs, si on remarque, Hachem, il a donné la force au Bédin ici, dans le monde. Il a donné à vous et moi, à chaque juif, de sanctifier le jour de la fête. Mais Kadesh Israël va Zemanim. Les Zemanim, c'est le peuple juif qui sanctifie. Les Zemanim. Quand ça vient à Shabbat, ça n'a rien à voir avec nous. C'est indépendant. La Gemara, elle dit Shabbat, mais Kudash va Omed. Shabbat, c'est quoi? Hachem, il a créé le monde en six jours et il se reposait le septième jour. Oui. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Ça n'a rien à voir avec le peuple juif. Ça n'a rien à voir avec l'entité d'un juif s'il peut. C'est au-dessus du peuple juif. Oui, c'est Hachem. C'est Hachem qui sanctifie le septième jour. En faisant quoi? En ne pas travailler. Bon, en se reposant. Si quelqu'un est là à un magasin, et il y a le Hachamim, ils te disent, tu peux ouvrir, mais tu vends le samedi, pour un goy. Mais il ne t'appartient plus. L'argent qui rentre dans sa poche, ça rentre pas dans ma tête. Non. L'argent que tu vas faire samedi, il va rentrer chez le goy, non, il va rentrer dans ta poche. Mais tu le vends. C'est un gros problème. Et après, oui, mais ce que je veux dire, les profits, ils vont pas chez. Si on est dans un centre d'achat, il faut rester ouvert. Non, on n'a pas le droit, c'est péché. Ça démontre. Si tu l'as vendu, il n'y a pas de problème. Ça démontre jusqu'à quel point les Hachamim, ils veulent que Am Yisrael ne perde pas la part de ça. Il trouve un moyen. Le parmesan, elle vient pendant l'année. Il n'y a pas d'eau. Ils ont tout à fait sur le solaire. Mais pour Shavuot, qui est la Pentecôte chez eux, c'est lunaire. Vous n'avez pas remarqué. Pourquoi c'est comme ça? Ils n'ont pas le choix. C'est beaucoup donné. Ils le calculent. Pourquoi? Sinon, ça va tomber. Ça va tomber après ce qui est Pessah. Ça doit tomber après Pessah. Sinon, ça va tomber avant Pessah ou en été. Tu comprends? Une bonne côte, une fondée. Il y a le soleil et la lune. Ça tombe toujours. Oui, oui, oui. Le soleil et la lune. Ils ont fait très loin. Ils le font lunaire, pour ça ils n'ont pas le choix. C'est Blossom, il y avait deux musulmans. La lune, c'est 28 jours, 29 ou 30. C'est ça, exactement. C'est le mois d'août. Non, je vais t'expliquer. Il y a qui disent que c'est un jour avant, il y a qui disent que c'est un jour après. Non, mais là, c'est une semaine après. Non, ça, c'est les Pakistanais, les trucs. Mais... Quoi c'est, ça, c'est avec. Les musulmans, ils ont un jour avant ou un jour après, selon les pays. Ah. Non, d'après bon, revenons à la question, on va perdre la question. Ouais. Revenons maintenant à la question. La question, elle est très simple. La question, elle revient comme ça. Comment est-ce que on peut rajouter sur la doucha de vendredi? C'est pas à nous de le faire. Donc, logiquement, ça peut pas exister, une telle chose. Les juifs, ils aiment gratter. Alors, ils ne le font pas. Non, très bien. Mais, attends, c'est une question. Ils aiment gratter, très bien. Mais est-ce qu'ils ont ce pouvoir? Comment est-ce qu'un juif, il a un pouvoir de rajouter de la doucha de Shabbat? Justement, on rajoute. Mais non, c'est pas. Je vous demande cette question parce que c'est pas juste une théorie. C'est pas juste une théorie. Est-ce que le juif, c'est un truc spirituel là? Est-ce que le juif, il a le pouvoir dans les Yamim Tovim, dans les Chagim, il peut le faire? Shabbat, il peut pas le faire parce que c'est quelque chose qui est dépendant de Dieu. Dieu l'a fait une fois au temps de la création du monde et ça se répète chaque semaine. Chaque semaine, c'est vrai. Comment est-ce que. C'est quoi la raison? Hein? Vers Mossif Goréa. Non, pour la Mossif Mlan. Alors pourquoi on doit rajouter? Laisse-moi redemander la question. Pourquoi est-ce qu'on doit rajouter? Est-ce qu'on doit? Ok. Comment? Pourquoi on doit rajouter? À part qu'on va voir que le juif en vérité il a ce koach du fait qu'on voit que c'est une mitzvah. Mais on va voir exactement c'est quoi ce koach que le juif il a de rendre une journée qui est une journée régulière. Imaginez-vous maintenant en hiver on n'y pense même pas, mais en été. Quand Shabbat c'est à 9h du soir là, on veut manger à 7h, on est tous en train de faire Tosafot Shabbat Beidour, comme il faut, comme on dit. Oui, on veut bien manger, c'est trop tard, on va rentrer à la maison, c'est 10 heures. Elle cherche le minyan, toi, à Paris. Cherche le minyan le plus tôt. Surtout à Paris. Ah ouais, surtout à Paris. Mais Chabad, ils font à la tombée de la nuit. À Paris, on va se savoir plusieurs fois. Ah ouais? Et il sort à 11h. Alors il dit simplement. Le juif, il attend toute la semaine Shabbat. Le juif, il aime tellement Shabbat. Oui, vraiment. Il veut en profiter. Et qu'il est mitgagé, il a hâte à Shabbat. Alors, parce qu'il a tellement hâte à Shabbat, il veut faire entrer Shabbat plus tôt. Parce qu'il aime la gdoucha de Shabbat. Oui. Il en a marre le juif, il est attiré à cette gdoucha. Oui. Ça, c'est une des raisons. Une des autres raisons que c'est ramené, que c'est de prévenir quelqu'un de ne pas faire un péché, parce qu'on sait que si on garde la Tosafet Shabbat, n'oublie pas encore, c'est 20 minutes, selon nous, c'est juste 20 minutes avant Shabbat. Alors, pour que quelqu'un n'oublie pas de ne pas commencer des travaux autour de la maison avant Shabbat, et s'il commence des travaux, il va oublier, il ne va pas remarquer, le temps va passer, et ça va être déjà Shabbat, et Chazou Shalom, il va faire une avéra. Alors, on a instauré cette Tosefet Shabbat, que ce soit de la Torah ou des Chachamim. C'est pas faux. Hein? C'est ça. C'est pas faux. De prévenir la personne de ne pas faire un péché. Maintenant, quand on dit Tosefet Shabbat, ça c'est vraiment. Je ne sais pas si on aura le temps de relier ça à Yosef. Mais en vérité, ça c'est vraiment le point. Peut-être on va continuer Shabbat. On va commencer un petit peu tard. Mais quand on dit que le juif, il peut faire rentrer Shabbat plus tôt, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, évidemment, on ne dit pas, quand on vous dit, écoutez, à 7h du soir, il fait vraiment nuit, c'est l'El Shabbat. Mais on regarde dehors, il fait jour. C'est évidemment pas ce qu'on dit. Quand on dit, on prend Shabbat plus tôt, ça veut pas dire qu'on dit que c'est. En vérité, c'est d'annu, mais non, c'est pas ça. On est en train de dire que il y a la gdoucha de Shabbat qui se trouve maintenant, vendredi, avant Shabbat. Cette gdoucha qui a normalement juste au coucher du soleil, elle se trouve maintenant dans la journée de vendredi. Je n'ai jamais posé la question. Hein. Mais, encore, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste une théorie, là. Parce que ça a à voir à beaucoup si une personne peut prier la prière de Shabbat. Si on dit comme ça, si on dit. Il y a un lien de Tosafet de Gdoucha. Il ne peut pas faire le schéma. Hein? Il va répéter le schéma. Oui, bien sûr. Il va répéter. Non, mais même sans la prière. Imagine maintenant, il allume la lumière. Ça fait presque qu'il est chayav. Oui, si tu rentres dans le Shabbat, c'est chayav. Oui, mais c'est ça qui est espèce d'expliquer. C'est quoi la force de rentrer le Shabbat en une journée qui n'est pas Shabbat? C'est ça toute la question. Et il allumait de la lumière, il est chayav. Oui, mais c'est ça toute la question. C'est quoi qui donne la force d'être mechouyav ou la personne? Non, mais ça arrive d'allumer les bougies, oui. C'est pas théorique. Non, mais c'est ça que. Regarde, le vendredi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Il doit se prévenir de faire. Mais c'est comme toutes les mitzvot de Shabbat, toutes les mitzvot de la Torah. Alors, répète. On met des clôtures. Non, c'est pas. Une seconde. Pas du. On a passé cette étape. La raison pourquoi on peut ajouter, pourquoi on devrait ajouter. Maintenant, en rajoutant le Tosefet Shabbat, c'est quelque chose, un concept très, très profond là. Le concept de Tosefet Shabbat, je vais vous le dire en lâchant de un peu l'amdani de Gemara. Est-ce que c'est un Hefza ou un Gavra? En d'autres mots, je vais vous dire comme ça. Du fait que quelqu'un apprend sur lui Shabbat plus tôt, c'est Shabbat pour lui. Oui. C'est très bien. Il n'a pas le droit de faire des melachot. Il n'a pas le droit de travailler. C'est fini. 7h du soir, la maman à la maison, elle a allumé les bougies. C'est Shabbat. Vous, en partant à la synagogue, vous avez dit l'Echouné Ranena. Il y a certains différents, plusieurs opinions. Mais dès que vous avez dit l'Echouné Ranena, ou selon d'autres opinions, vous dites Barichou, oh, misement, Shayo Shabbat, ça y est, c'est Shabbat pour vous. Absolument. Maintenant, vous n'avez plus le droit de faire des melachot de Shabbat. Très bien. Mais est-ce que la journée elle-même, elle a une doucha de Shabbat? Vous voyez la différence? Si je dis comme ça, si c'est sur le gavra, Ça veut dire, la mitzvah, elle est sur moi, ne pas faire une avéra pendant Shabbat. Ou je dis non, c'est sur le cheftza de Shabbat. Shabbat lui-même devient une différence. Vendredi soir devient une autre entité, et cette entité... Il devient l'entité de Shabbat. Exactement. C'est... Alors c'est laquelle ? Absolument. Le vendredi devient l'entité de Shabbat. Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? C'est comme si, on le voit souvent dans la Torah, oui. C'est comme si quelqu'un qui s'asperge de parfum et le parfum dépasse son corps. Il se propage. Sort de son limitation et il va partout. Il se propage. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez très bien captivé ce concept, capté ce concept de Chefza et Gavra. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la Torah un concept qui s'appelle Jvoa et Neder. Oui. C'est quoi une Jvoa ? En français, un aveu ? Non, pas un aveu. Jury. Jury. Jury. Écoutez une seconde. Je vais vous dire comme ça. Généralement, quand on trouve dans la Gemara Neder, en dessous de cette catégorie, Neder inclut aussi une joie. Je vais vous dire la différence entre une joie et un Neder. Maintenant, on parle autant de la Gemara ou même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu différent. À chaque fois qu'on dit quelque chose, alors on dit Blineder. Mais ça ne veut pas dire que chaque chose qu'on dit a cette valeur de je suis obligé de le faire. C'est juste. Ne sortez pas quelque chose de votre bouche si vous n'allez pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça a des mêmes contraintes de la halakha selon le Neder. Une joie, c'est que je dis, je jure de ne plus manger des raisins. Je jure de ne plus manger des raisins. Ou je dis, ces raisins sont en Neder au Beit HaMikdash. C'est quoi la différence? Ça, c'est la différence entre le Chefza ou le Gavra. Quand je jure de ne plus manger des raisins, est-ce que ces raisins, ils sont toujours permis? À Yaakov, ils sont permis. Oui, bien sûr. Alors, c'est sur moi. L'interdiction est sur moi-même, n'est pas sur ces raisins. Ça, c'est un issur Gavra. Gavra, en hébreu, ça veut dire l'homme. L'interdiction est sur l'homme lui-même. Alors par rapport à ça, c'est... Par rapport le neder, c'est sur le cheftza. Quand je dis ces raisins, konam alay, konam, la chaîne de neder dans la Gemara, c'est konam alay. Ces raisins appartiennent au Beit HaMikdash. Ces raisins-là, ils deviennent interdits à tout le monde dans cette salle. Pas juste à moi. Ça, c'est la différence entre Gavra, un exemple, il y a plusieurs exemples. C'est la même chose, je vais vous dire, un peu... Vous voulez continuer avec ça? Un peu plus profond. Pour comprendre un petit peu comment elle marche la halakha. Il y a des sourim qui sont des interdictions qui sont bibliques et rabbiniques. C'est quoi la différence? Du porc, excusez-moi, j'emploie ce mot. Le porc, il est rabbinique. C'est rabbinique. Non, c'est Biblique. C'est biblique. Est-ce que l'entité du porc. Et à sourd. Le chefza, l'item lui-même, il est interdit. Oui. C'est pas que moi je suis interdit. Non. L'item lui-même, il est interdit. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de. Ça se peut qu'il y ait quelque chose de physique ou quelque chose de spirituel que la Torah elle a décidé que le porc il n'est pas bien pour le corps juif. Ça soit n'importe quoi la raison. Je ne parle pas de la raison maintenant. Mais l'item lui-même, il devient interdit. Oui. Tandis qu'un issour des Rabbanan, est-ce que les Chachamim, ils ont le même pouvoir de faire ça? Quand les Chachamim sont venus, ils nous ont dit, écoutez, le vin d'un non-juif, il est interdit de boire. Bon, c'est pas un bon exemple. C'est pas un exemple parce qu'il y a certains que ça peut être, biblique aussi. On reprend. Les sages nous ont interdit de manger, par exemple, pat akum. Du pain qui a été fait par un non-juif. Par exemple, l'eau pâtisserait. Bon, il y a certaines conditions que c'est permis, etc. Mais quand c'est interdit, on va dire, est-ce que ça veut dire que le pain lui-même, il est comme le porc? Non. Non. Il n'est pas comme le porc. Pourquoi? Parce que c'est sur un gavra. Dans la Torah, quand c'est biblique, le porc lui-même, le chef salitain lui-même, il est interdit. Ici, les chachamim, pourquoi les chachamim nous ont dit, écoutez, ne buvez pas stam yenam, ne mangez pas du pain qui est par un non-juif. Pourquoi? Parce que le pain, c'est le plat principal. Le plat principal, c'est la source de la personne. Et quand il va s'asseoir manger avec un non-juif du pain, il va venir à connaître ses filles. Quand il va venir à connaître ses filles, il va donner ses filles dans le yain, c'est la même chose. Dans le yain, c'est beaucoup plus chamour. C'est beaucoup plus grave parce qu'il y a un lien de Avodah Zara. Parce que au Maroc, c'est la source de vie de la personne, c'est le pain. Au Maroc, ils nous permettaient d'acheter du pain. Non, alors, excusez-moi. Alors, je répète. Et on fait le bracha sur le pain. Oui, oui. Non, alors, je répète. Je ne parle pas dans les conditions où on avait le droit, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, il y a, comme j'ai rapporté, il y a certaines conditions que le pain qui a été pétri par un non juif, il peut être mangeable. Mais oui. Dans le cas que c'est interdit selon tout le monde. Alors, le pain lui-même, il est à source sur toi. Le pain lui-même, il est permis. Il est permis. Ça, c'est la différence. Alors, maintenant, remportant ça à Shabbat, est-ce que Shabbat, c'est lui sur Hefta? Pas lui sourire ça, excusez-moi. Est-ce que quand quelqu'un fait une tosafet Shabbat, est-ce que la kdusha de Shabbat se trouve le vendredi soir, ou c'est que juste moi j'ai l'interdiction de faire certaines choses après Shabbat? Est-ce que c'est le chefta ou le gavra? Parce que c'est toi, c'est sur toi que c'est interdit d'allumer l'électricité. Parce que pour l'autre il peut, il peut. Maintenant si l'autre à côté il n'a pas décidé de rentrer Shabbat. Le vendredi parfois, toi tu rentres Shabbat. Je suis en voiture et l'autre il a déjà pris. C'est ça la question. Je pense que c'est rabbini. Alors il dit, c'est ce que moi parfois je suis en voiture. Oui. Il a pris déjà Shabbat. Mais oui, il y a des synagogues qui prennent. Donc lui c'est interdit pour lui. C'est exactement ça. C'est-à-dire je l'ai pris plus tard. Mais lui, il l'a pris 2 heures plus tôt. Oui, oui. On était. Ici en bas, il y a Dominien, non, Shabbat? Il y a un Keta. Alors, ça veut dire que pour lui, c'est interdit. Parce que lui, il l'a pris sur lui, mais moi, je ne l'ai pas pris sur moi. Exactement. Pour toi, c'est encore vendredi. Pour lui, c'est Shabbat. Mais pour lui, c'est Shabbat. Alors c'est Gavra, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Gavra. Ah, vous dites c'est sur la personne. C'est pas que la doucha se trouve elle-même. Parce que pendant plus la doucha. Toi tu l'as pas. Impchara. Pourquoi je veux vous dire comme ça? Excusez-moi. J'ai juste pour un point. Finir pour le point. Pourquoi? Qu'est-ce que ça encore? À part que c'est un concept très intéressant et la théorie derrière tout ça c'est assez intéressant, mais il y a des lois très applicables. Si je dis que c'est vraiment Shabbat, alors je peux avoir ma Seouda. Si la Kdoucha de Shabbat se trouve le vendredi, alors je peux avoir ma Seouda. Je peux prier Arvit de Shabbat. J'ai l'interdiction de tout. Mais si je dis c'est juste l'interdiction, ok, il y a une certaine interdiction, j'ai le droit, mais je ne suis pas yotzé. S'il n'y a pas la kdusha de Shabbat qui se trouve vendredi soir, je ne peux pas être acquitté des mitzvot qui peuvent être juste acquittés pour mon Shabbat. Mais Rav Pinto, il y a des mitzvot qui rentrent avec le temps. Oui. Donc, il faudrait. Il le fait rentrer avant, d'accord. Disons, il le fait rentrer une heure avant. Oui. Chez Paris. Oui. Mais. Schéma, ils ne sortent pas. C'est pour ça qu'ils ont le retour de temps. Et il y a beaucoup de mitzvot qu'il faut qu'il aille avec le temps. Il peut le refaire, c'est pas une seconde. Le schéma. Le schéma, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Qu'est-ce que ça va au Shabbat? Oui, ça va. Donc, il va faire le kiddush. Oui. Il fait le kiddush avant le soir. Alors? Je ne sais pas si ça a la même koar que Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Moi, ce que je dis, c'est deux points. Moi, il y a deux points. Le premier point que j'ai dit, oui, c'est qu'il l'a fait rentrer avant. Automatiquement, ce qu'on peut appeler l'ambiance, la kdusha, oui, la hashpa, oui, oui, ce qu'on veut, nechnasbo. C'est comme si la kdusha se trouve. Et il a la kdusha, il est rentré, il a cette kdusha, il touche, il sent le parfum déjà. 100%. Puisqu'il a mis la cravate, il a la totale, il a le chapeau de. Pas. Voilà. Il est rentré avant. Voilà. Maintenant. C'est poli les chaussures, tout aussi. Voilà, il s'est mis dans les habits de Shabbat, il a mis le chapeau de Shabbat. Ça y est. Schreimer, Gartel et tout. Ouais, ouais. Chacun. Mais, alors, donc, automatiquement, il est rentré dans la douche. Ok. Ce qui est logique. Oui. Et c'est quoi le deuxième point alors? Le deuxième point que je disais, c'était que lui, il a pris pour lui de rentrer avant. Ça ne veut pas dire que moi, ça s'applique à moi. Comme ce qu'on avait dit pour. C'est Anabim, c'est pour le Beth Amikdash. C'est pour tout le monde. Quand on arrive à des lignes de Shabbat. Attends, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Non. Est-ce que, peut-être que je m'exprime mal. Non, non. Chas v'shalom. Vous dites très bien, mais est-ce que quelqu'un trouve quelque chose de contradictoire de ce qu'on dit? Non, parce que. Ce que je voulais dire, c'est que si lui, il a pris avant. Ça s'applique à lui, mais pas à moi. Chazak. En fait, c'est un petit peu de paradoxe. Chazak. Mais mais si lui est rentré, il profite de la kdusha. C'est pour alors, ça que alors je vais élaborer un petit peu. Non, non, alors je vais élaborer un petit peu sur ce qu'il dit. On va arrêter avec ce point parce que je ne vais pas étaler trop le chiot. À moins que vous voulez un petit peu aller. Après, c'est moi. Alors il dit comme ça. Le point, c'est que, en conclusion. La plupart, il y a certains poskim, certains rabbins qui disent comme ça. Shabbat, la kdusha de Shabbat se trouve vendredi soir, à toute sa puissance. C'est Shabbat. Même s'il a pris avant. Oui, vendredi soir, en prenant Shabbat plus tôt, la kdusha de Shabbat, le cheftza qu'on avait expliqué, se trouve maintenant dans Shabbat. Dans la Gdusha, c'est comme ça que Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, il explique, je vais vous dire le Lachon. Bezman aze yechol adlik vekabel Shabbat betfilat arvit velechol miyad. En ce temps, il peut prier arvit tout de suite, il peut faire kiddush et manger tout de suite. Il ne doit pas attendre jusqu'à. Parce qu'il y a certains qui disent, vous pouvez peut-être faire kiddush, mais la Seouda, puisque la Seouda. Il faut la manger pendant Shabbat, il faut l'allonger jusqu'à que le coucher du soleil, etc. Non, il dit non. Maintenant, la kdusha, c'est comme ça que le Admor Hazaken, d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch Arab, il rapporte aussi que la kdusha de Shabbat se trouve maintenant. Ça veut dire que le juif, je vais juste élaborer sur ce qu'il dit, chaque juif, il a cette force d'amener de la kdusha dans Shabbat vendredi plus tôt. Comme que Hachem l'a fait. Comme que Hachem. Ça veut dire que Hachem, il a donné aux Juifs ce pouvoir de faire entrer le Shabbat. Mais ce pouvoir, il est quand même illimité. Il est limité à la personne elle-même et pas à tout le monde. Parce que l'entité de Shabbat, vendredi soir, ça ne change pas. Il est 6h ou 7h du soir en été. C'est pas Shabbat encore. Shabbat, c'est au coucher. Ou c'est au temps qu'il y a 3 étoiles qui sortent. Ça, c'est Shabbat. Avant ça, c'est vendredi. Mais si moi, je veux prendre la kdusha de Shabbat sur moi, le juif, il a cette force d'amener cette kdusha vendredi soir dans le Shabbat et faire kiddush, etc. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pas juste qu'il a la force de faire entrer Shabbat plus tôt, il a aussi de la force. Il y a un autre point qui s'est rapporté dans le Kitvé Arizal. Dans l'Arizal, il dit que dans la kdusha de Shabbat elle-même, le juif, il a une force de faire entrer de la kdusha. Plus que la Shabbat elle-même. Comment? Dans une journée, il y a combien d'heures? 24. S'il prend une heure avant, une heure après, c'est combien? 26. Non, de plus, pas de moins. 26. Une heure avant, une heure après, parce qu'on fait sortir la Shabbat aussi. Motzé Shabbat aussi a une tosefet. Vous avez jamais remarqué pourquoi on attend? C'est quoi ça? Quand je disais toujours, mais On a allumé une heure plus tard, c'est fini. Pourquoi on attend une autre, il y a un autre 10 minutes? Ça, c'est le Tosafet Shabbat. De rallonger un autre 10 minutes. Alors, en prenant une Tosafet avant et après, on a 24 heures plus une heure, c'est 26. Ça, c'est le Yud Kevavke. C'est le nom d'Hachem que le juif, en prenant le Shabbat une heure avant et rallonger une heure après, ça ne veut pas dire nécessairement une heure comme 60 minutes. Non, un temps avant, un temps après, et il peut ramener de la Gdusha de Yud Kevav qui est de la Gdusha de Shem Hachem dans le Shabbat elle-même. On va arrêter ici, on n'est pas arrivé à Yosef. Maintenant, je vous laisse avec des pensées. Comment est-ce que c'est relié tout ça à Yosef? Parce que Yosef, il avait cette même chose. Yosef, il était chômeur Shabbat. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Yosef? On avait une question. Je vais vous laisser peut-être en discuter Shabbat. Shabbat matin, il y a Be'ezrat Hashem à 9h.